Octobre est le mois des grands spéciaux chez Dolbo Auto. Profitez du rabais de 20% sur les modèles 2018 en stock, que ce soit le Sierra 1500, le Canyon, le Silverado. Dolbo Auto a tout ce qu'il vous faut. Dolbo Auto, 1770 Boulevard Wahlberg, Dolbo Mistassini. Numéro de téléphone 418-276-0580. Le propriétaire, M. Stéphane Fortin, vous invite à visiter notre page Facebook pour nos différents spéciaux. Et rappelle que l'achat local est vital pour notre économie. Marc Griffin. Salut, Marc. Salut, Ben. Marc, j'ai commencé à lire la biographie sur Philippe Alou, et très bien traduit par Jacques Doucet. Philippe, c'est la conclusion que j'ai eue, Marc, au fur et à mesure que ma lecture avance, c'est que c'est plate que Philippe n'ait pas les chiffres pour être à Cooperstown, parce qu'il en a bavé un maudit coup. On parle beaucoup de Jackie Robinson qui en a bavé, là. Mais les Latinos, quand ils sont arrivés en Amérique du Nord pour jouer à balle, ils étaient victimes de racisme aussi pire. Hein? Je ne sais pas si... Écoute, absolument, absolument. Puis je te disais qu'à la limite, là ouais. J'exagère peut-être un peu, mais Philippe Alou représente pour les Latins pratiquement ce que Jackie Robinson a représenté pour les Afro-Américains, là, tu sais, Philippe est un idole, une icône là-bas pour ce qu'il a fait comme non seulement comme joueur, là, parce que bon, le livre décrit assez bien tous les événements racistes qu'il a pu se passer dans sa jeune carrière, mais tu sais, dans son attitude, dans tout ce qu'il a fait. En tout cas, moi, je suis, tu sais, je serais longtemps que je connais Philippe. J'en ai quand même appris beaucoup dans ce livre-là, surtout dans ses débuts, là, écoute, puis comme tu dis, ce gars-là en a bavé. C'est pour cette raison que plus tard, lorsqu'il était gérant, il s'en laissait pas trop imposer par les gens qui semblaient vouloir être un peu plus prendre un peu plus de place. C'est un homme d'un vécu incroyable. Puis, écoute, je pense qu'on apprécie davantage l'homme en lisant ce livre-là. Là. Ben oui, c'est sûr. Puis moi, c'est comme je te dis, cette valeur en mot, t'as dit qu'il n'y a pas les chiffres. J'ai regardé, je pense que 2000 couchures, c'est nettement insuffisant, là. Mais il mériterait sa place à Cooperstown. T'sais, le fait historique, là, les trois frères qui patrouillaient le champ, ça, on verra probablement pas ça. Là. Marc, puisqu'il est question avant de tomber dans le marché des joueurs autonomes, le temple de la renommée. Lee Smith fait partie du comité de révision. Le comité de révision, c'est un comité qui est fait à part, qui revise un petit peu les joueurs qui auraient pu être oubliés par le passé. L'année passée, on avait élu Alan Trammell, Lou Whitaker. Cette année, il y en a quatre. Il y a Lee Smith, que j'ai vu, et également d'autres noms également. Lee Smith a vraiment sa place à Cooperstown. C'est une aberration totale qu'il ne soit pas là. Écoute, c'est quoi? 478 sauvetages, troisième de tous les temps. Il est en tête. Il n'y en a pas une tonne, par contre, qui sont au temple de la renommée. Bon, évidemment, les releveurs sont un peu comme les frappeurs de choix. Ça a pris du temps. On dirait que tu as Dennis Eckersley tôt, mais il a été partant longtemps dans sa carrière, là, qui a été intronisé. Mais je ne sais pas si c'est le fait parfois que le joueur a joué pour autant d'équipes. Ouais. Tu sais, parce que Lee Smith, là, il a fait le tour pas mal. J'ai pas le décompte exact dans ma tête, mais il en a fait des équipes. Mais si tu regardes le rendement, 478 sauvetages dans un air où le sauvetage est important, mais pas comme ça l'est aujourd'hui. Écoute, moi je pense qu'il va passer. Parce qu'on réalise à quel point c'est devenu, tu sais, Mariano Rivera, l'air Mariano Rivera. Ouais. On était tous pâmés devant ce qu'il faisait, ce qu'Éric Gagné a fait. Il y a bien du monde qui ont fait des marques extraordinaires. Trevor Hoffman qui vient d'être intronisé. Alors je pense que tu sais, des fois, là, les chroniqueurs de baseball d'Amérique, on prend du temps, comme probablement que les gars comme Roger Clemens et Barry Bonds, éventuellement, peut-être pas cette année, mais ces gars-là vont finir par oublier, entre guillemets, Puis dans ce cas-ci, je pense qu'on réalise. Un peu comme Tim Raines, où les statistiques avancées ont fait réaliser à tout le monde, un instant, que là, ça n'a pas de bon sens. Mais peut-être que dans le cas de Lee Smith, ça va encore faire la même chose. Ben, écoute, il est allé à Boston, il est allé à Saint-Louis, à Chicago, des marchés de baseball. Et tu sais, il y aurait peut-être une explication, puis il y a quelqu'un qui l'a connu, puis semble. Tu sais, quelqu'un là, qui n'est pas sympathique, qui n'est pas aimable, peut-être que les journalistes auraient décidé de le faire baver un peu. Mais c'est pas ça, là. Semble-t-il que c'est un gars également qui était de commerce très agréable. Là. C'est vraiment bizarre. Écoute, ça. Si Eddie Murray est intronisé, Dan, parce qu'on laisse de côté laisse de côté l'attitude, parce que lui, il était vraiment détestable auprès des journalistes. Mais c'est vrai que Lee Smith était d'un commerce très agréable, très populaire partout où il est passé auprès de ses coéquipiers. Mais nonobstant ça, c'est un rendement qui moi, j'aime évaluer le joueur qui est intronisé, pas sur une ou deux saisons, c'est sur l'ensemble de sa saison. Le gars, il était constant pratiquement toute sa carrière. Il a produit pendant un long moment. Puis ça, moi, je trouve que c'est un signe extrêmement important pour être intronisé. T'as joué pendant 20 ans, c'est une chose. Est-ce que tu as produit 7 de ces 20 ans-là pour avoir des chiffres ou tu as produit de façon constante tout le long? Puis je pense que les Smith, a le profil du gars qui devrait être là. OK. On va parler du marché des joueurs autonomes maintenant. Écoute, est-ce que Bryce Harper va se ramasser gros gens comme devant? Ben, écoute... Tu connais ton agent? Oui, Scott Boris qui a critiqué aussi les organisations, dont les Blue Jays, pour les équipes qui sont en construction. Ben, mais, ouais. Écoute, moi je n'haïs pas ça. Je ne suis pas un grand fan. Ouais. Mais à quelque part, quand tu es dans le business de l'entertainment, comme le sport, et puis je comprends que parfois, tu n'as pas le choix, il y a des circonstances qui font que, bon, faut que tu reconstruises. Mais à quelque part, si c'est bien géré. Tu sais, je pense tout aux Cards de Saint-Louis. Je pense à des équipes qui sont jamais en construction. Ouais. Sont toujours en mode, OK, là, qu'est-ce qu'on fait pour être un petit peu meilleur, pour faire ci, sans faire sauter la banque, dépenser intelligemment, mais toujours une équipe qui, bon an, mal an, année après année, lutte pour une place en série, de temps en temps se rend, de temps en temps gagne une série mondiale, mais toujours là. Mm-hmm. Puis, à quelque part, j'haïs pas ça. Tu sais, c'est un message-là qui dit, hey, tu sais, pourquoi, là, puis il a raison de dire que les gens à Toronto, ils payent pas pour aller voir des joueurs qui aiment. Tu sais, ils adoraient Bautista. Quand t'as pas signé Encarnación, ça fait déjà quoi? Ça va être la troisième année, il y a deux ans. Donc, c'est des gestes parfois qui... Au-delà du joueur, là, c'est quel impact ça a sur ta franchise. Puis moi, je trouve que des fois, les départements de baseball de ces équipes-là ne considèrent pas ça. On se fout un peu que ce soit du marketing, de la mise en marché. C'est comme moi, là, je veux mettre de la même équipe sur le terrain. T'sais, on ne travaille pas de concert souvent, puis ça crée des erreurs. Alors, moi je suis d'accord avec ça. Puis je pense qu'en raison de son âge, ben, même constat pour Machado, les gars vont faire sauter la banque. Ça va être, y a une équipe qui va dire, moi, je pars avec ça, j'ai besoin d'une vedette, puis go. Ben, surtout que j'en viens aux Blue Jays, surtout que moi c'est dur à comprendre parce que l'année d'Alex, on a décidé d'y aller là finalement pour le All-In, là. Écoute, les assistances ont monté, tout a monté, les actions de Rogers ont monté. Tu sais, c'était difficile. Puis non seulement ça, mais ça fait exploser le baseball au Canada. Mm-hmm. C'est même pas un impact local, c'est un impact qui était national, là. Tout le monde, même les gens du Québec qui ça vient de Toronto, mais combien de monde qui se sont mis derrière les Blue Jays à la suite de ces saisons-là? Tu vas chercher Troy Tulowitzki, joueur établi avec les Rockies, David Price, t'étais déjà allé chercher Donaldson, qui s'ajoute avec tes deux vedettes en Bautista Encarnación. Là, les gens vont dire, ouais, on a vidé le réseau des filiales. Un instant, là. Il n'y a pas grand monde qui est sorti grand gagnant de ça, sauf Syndergaard. Mais quand même, est-ce que c'était le prix à payer? Peut-être. Moi, je pense que c'était le prix à payer pour mettre cette franchise-là. La plus grave erreur, c'est d'avoir tassé Antopoulos, puis changer de président, puis changer complètement. Hey, dépenser trop. Hein? Parce que si tu dépenses, ben, dans le loisir, dans le business du sport, les gens, là, ils font les efforts, eux autres, ben, on va y aller, on va les encourager. Tu gagnes, ben, écoute, t'en suis. Alors, ça va être un drôle d'hiver parce que ça va être complètement différent de l'an dernier. Parce que je suis convaincu que Santiago et Harper vont gagner beaucoup, beaucoup d'argent. Et il y a beaucoup de bons joueurs autonomes cette année. Mm. On n'entendra pas le mot collusion cette année, je suis pas mal convaincu. Mais ce qu'on entend dire également, c'est que les Yankees, c'est pas officiel, mais les Yankees ne voudraient pas, ce ne serait pas dans la course pour Bryce Harper en raison qu'eux sont pas chauds à payer la taxe, la fameuse taxe de luxe. Là. Donc, il reste quoi? 5-6 équipes qui sont capables de se payer Bryce Harper maximum? Gros maximum? Oh, écoute, c'est gros maximum. Ouais, hein? Je pense qu'il y a des Phillies qui sont en train de faire une poussée. Là. Ouais. Moi, je pensais que les Giants pouvaient être là. C'est pas certain. On vient de changer de mettre direction baseball là-bas. On va prendre le temps d'évaluer tout ça. Mais il n'y en aura pas une tonne. Il n'y en aura pas une tonne du tout. On cherche toujours le meilleur deal possible. Puis, compte tenu du fait que ces deux gars-là sont sur le marché qui vont coûter très cher, il y a peut-être d'autres équipes qui vont se retourner et aller signer des Michael Brantley au lieu de signer un Bryce Harper. Tu comprends-tu? Tu vas payer pas mal moins cher, tu vas avoir un pas pire rendement. Alors, c'est parce qu'il y a des options en ce moment intéressantes pour les autres équipes qui cherchent peut-être une grande vedette, compte tenu de la qualité des joueurs, des autres joueurs qui se retrouvent dans le marché. Ouais, c'est effectivement. J'ai bien hâte de voir. Écoute, semble-t-il que c'est des Phillies qui seraient en avance, mais ça peut changer grandement. Mais tu vois comment ça fonctionne, hein, Dan? Il a refusé 30 millions. Il a refusé 300 millions. Mm. Un peu comme Encarnacion, rappelle-toi, avait refusé 80 millions pour 4 ans. Moi, je suis pas sûr que jamais Bryce et son agent, évidemment, vont tenter le marché. Si ça marche pas, moi, je suis pas certain que les Nationals vont encore le consentir, ces 300 millions-là. Dans la même attitude que les Blue Jays ont eu à l'époque avec Encarnacion. Mais c'est complètement fou, hein, parce que il y a pas, on va se mettre tout de suite à dire qu'il y a pas personne qui vaut 30 millions, mais dans le marché du baseball, que veux-tu, c'est ça. Est-ce que tu payerais 35 millions à Bryce Harper compte tenu que il y a pas, même si t'as les moyens, là, il a pas amené à date, il a pas amené son équipe en série, là. Il a pas fait de différence. Pour ça que... Il a pas fait une différence. Non, mais pourrait quand même voir, non, c'est compte tenu de son âge. Le gars a 26 ans. Ouais. Donc, techniquement, là, si on se fie à la charte puis dans le passé, là, ses meilleures années sont devant lui. Mm. Ses meilleures années sont là, là. C'est sûr qu'il n'y a pas 3 ou 4 prochaines années. Ouais. Alors, peut-être qu'il va accepter 3 ans, tu sais, 3 ans 100 millions ou 3 ans 105 millions. Tu sais, il va le chercher dans 35 millions. Peut-être qu'il va dire, gars, moi, je vais chercher 5 millions. Peut-être. Je sais pas qu'est-ce qui est dans la tête. Et se dire à 29, 30 ans, je suis capable de me chercher un autre gros contrat après. Ça peut être aussi le thinking du groupe en ce moment. Au lieu de dire, ben gars, je prends 10 ans tout de suite, à 36 ans, ça sera terminé. Mm. Mais il y a des options qui peuvent être intéressantes. Il y a peut-être des équipes qui disent, écoute, Machado, là, on va lui donner 70 millions pour 2 ans, puis à 28 ans, ben il s'en ira ailleurs. Tu sais, alors ça, c'est des possibilités. Faut pas penser nécessairement que ça va être des 10 ans puis des 12 ans, ces contrats-là. Ouais. À l'inverse, c'est peut-être même des contrats de 2 et 3 ans. Ces gars-là n'auront même pas 30 ans, ils vont encore être admissibles à moins longtemps, mais plus d'argent. Hey Marc, en terminant rapidement, pour les gens qui pensent que le baseball est terminé, non, c'est pas terminé du tout. Il y a une tournée des étoiles au Japon. Quatre ans, tu l'avais fait. Cette année, je pense pas que RDS l'a fait, mais on peut le voir maintenant. LMB Network est disponible au Canada, ce qui n'était pas dans le temps. Les matchs sont très tôt, sont à 4h30. Je suis pas sûr qu'on va se lever pour écouter ça. Moi, je veux te poser la question, Marc. Les joueurs qui sont là, parce que j'ai regardé, c'est beaucoup des jeunes joueurs. C'est Don Mattingly qui est le gérant là-bas. Des Blue Jays sont représentés par Kevin Pillar. Est-ce que les joueurs qui sont là-bas, là, c'est des vacances ou ils prennent ça vraiment au sérieux? Tu les as décrits les matchs? Ou c'est moitié-moitié? Ouais, ben écoute, c'est sûr que ça a pas l'impact d'un match de série, là, on s'entend, là. Fait que c'est sûr que, tu sais, parce que les joueurs peuvent amener leur famille. Ouais. Tu comprends? Fait que c'est aussi. Il y a un minimum de lancers. Je vais appeler ça une tournée promotionnelle. Ouais, OK. Tu comprends? C'est une tournée promotionnelle. Fait que oui, tu veux pas avoir l'air fou. Oui, une fois que tu es sur le terrain, tu compétitionnes. Est-ce que t'es complètement dedans là, pour à tout prix gagner? Ben, permets-moi d'en douter un peu. Mais ça reste un très bon spectacle. Puis moi, je trouve que ça fait apprécier le baseball asiatique, le baseball japonais qui est très solide en partant. En parlant de la dernière question, Marc, il y a un Japonais qui serait sur le marché, semble-t-il, encore une fois. Il s'appelle Kiaki, un lanceur gaucher. compte tenu là, de tout ce qui se passe avec... Tu sais, Otani, ça, ça a été un succès mitigé. On s'est entendu pour dire jusqu'à maintenant, là, c'est le fun, mais en c'est... En raison de sa blessure, ouais. Ouais, en raison de sa blessure. Les Japonais, là, la plupart sont quasiment blessés. Là. Est-ce que tu... Mané, là, est-ce qu'on va y aller avec le gros montant encore? Parce que Kiaki, ce qu'on dit, c'est un gaucher, qui un lanceur gaucher. Très bon. Est-ce que tu... Est-ce qu'il faut s'attendre à quelque chose de, d'intéressant? Ben, tu sais... On prend les équipes là, ont toujours tendance à ouais. courir le risque de trouver la perle rare. Ouais. T'as raison de mentionner que les Japonais se blessent un peu plus souvent parce que la façon dont eux lancent, et je parle pas de la mécanique, je parle les repos, ouais. Entre les départs, bon, puis le nombre de manches lancées est très différent. Donc, souvent l'adaptation en Amérique du Nord est un peu plus différente. Mais il y a quelqu'un quelque part, écoute, lanceur gaucher qui est un expert de retrait sur des prises. Ouais. Être sûr que quelqu'un va sauter là-dessus. OK, c'est sûr. C'est pour ça un peu qu'on avait fait avec Otani. Otani, on ne le faisait pas lancer aux 5 jours, on le faisait lancer une fois par semaine, un peu pour avoir sa rotation comme au Japon, mais il s'est blessé pareil. Oui, mais il était déjà blessé. Rappelle-toi, ouais, là, ouais, rappelle-toi juste avant qu'il signe, il y avait déjà des ouais. signes qui laissaient croire que, puis on a quand même couru le risque, puis on s'est dit, garde, au moins il frappe, puis l'année prochaine, ben, il va pouvoir jouer, il va pouvoir être un frappeur malgré sa blessure. Alors, tu sais, pas tout là, dans le cas d'Otani. OK. Ben Marc, merci beaucoup. On s'en reparle quelque part dans quelques semaines. Non? C'est bon, ben, à bientôt. Collaborateur Marc Griffin.